Troisième partie de l'introduction. 12 ans s'étaient écoulés depuis le cauchemar de Moquet. J'en avais 15 passés. C'était dans l'hiver de 1817 à 1818. Hélas, depuis 10 ans mon père était mort. Nous n'avions plus de jardinier Pierre, plus de valet de chambre Hippolyte, plus de garde Moquet. Nous n'habitions plus le château des Fossés ni la villa d'Antilly. Nous habitions une petite maison sur la place de Villers-Cotterêts, en face de la fontaine où ma mère tenait un bureau de tabac. Elle y joignait un débit de poudre de chasse, de plomb et de balles. Tout jeune que j'étais déjà, comme je l'ai raconté dans mes mémoires, un chasseur enragé. Seulement, je ne chassais, dans l'acception du mot, que quand mon cousin Monsieur de Violaine, inspecteur de la forêt de Villers-Cotterêts, voulait bien me demander à ma mère. Le reste du temps, je braconnais. J'avais, pour ce double exercice de la chasse et du braconnage, un charmant fusil à un coup qui avait appartenu à la princesse Borghèse et sur lequel son chiffre était gravé. Mon père me l'avait donné comme j'étais tout enfant, et à la vente qui avait suivi sa mort, j'avais tant réclamé mon fusil qu'on ne l'avait pas vendu avec les autres armes, les chevaux et les voitures. Le temps de mes joies était l'hiver. L'hiver, la terre se couvre de neige, et les oiseaux, embarrassés de trouver leur nourriture, viennent là où on leur jette du grain. J'avais quelques vieux amis de mon père, possédant de beaux et grands jardins, qui me permettaient alors de faire dans ces jardins la chasse aux oiseaux. Je balayais la neige, je semais une traînée de grains et, d'un abri quelconque, ménagé à demi-portée de fusil, je faisais feu, tuant quelquefois 6, 8, 10 oiseaux d'un seul coup. Puis, quand la neige persistait, il y avait une autre espérance, c'est que l'on détournerait un loup. Le loup détourné appartient à tout le monde. C'est un ennemi public, un assassin mis hors la loi. Chacun peut tirer dessus. Alors il ne faut pas demander si, malgré les cris de ma mère qui redoutait pour moi un double danger, il ne faut pas demander, dis-je, si je prenais mon fusil et si j'étais le premier au rendez-vous. L'hiver de 1817 à 1818 avait été rude. Il était tombé un pied de neige. Il avait gelé par-dessus, de sorte que la neige tenait bon depuis une quinzaine de jours. Et cependant, on n'entendait parler de rien. Le soir, vers 4 heures de l'après-midi, Moquet vint à la maison. Il venait faire sa provision de poudre. Tout en faisant sa provision de poudre, il me fit un signe de l'œil. Quand il sortit, je le suivis. « Eh bien, Moquet, lui demandai-je, qu'y a-t-il »« Vous ne devinez pas, monsieur Alexandre ?»« Non, Moquet, vous ne devinez pas que, si je viens acheter de la poudre chez madame la générale, au lieu d'en acheter tout simplement à Aramon, c'est-à-dire, si je fais une lieue au lieu d'un quart de lieue, c'est que j'ai une partie à vous proposer ? Oh, mon bon Moquet, et laquelle ? Il y a un loup, monsieur Alexandre. Bah, vraiment ? Il a enlevé cette nuit un mouton à monsieur Détournelle, et je l'ai suivi jusqu'au bois du Tillet. Eh bien ? Eh bien, cette nuit, je le reverrai bien certainement. Je le détournerai, et demain matin nous lui ferons son affaire. Oh, quel bonheur ! Seulement, il faut la permission. La permission de qui, Moquet ? La permission de la générale. Eh bien, rentre, Moquet, nous allons la lui demander. Ma mère nous regardait à travers les vitres. Elle se doutait bien qu'il se tramait quelque complot. Nous rentrâmes. Ah, Moquet, dit-elle, tu n'es guère raisonnable, va. En quoi ça, madame la générale ? Demanda Moquet. Eh, de lui monter la tête comme tu fais, Il n'y pense déjà que trop à ta maudite chasse. Dame, madame la générale, ça, c'est comme les chiens de bonne race. Son père était chasseur, il est chasseur, son fils sera chasseur. Faut en prendre votre parti. Et s'il lui arrive malheur ? Avec moi, malheur ? Malheur avec Moquet ? Allons donc, j'en réponds corps pour corps de monsieur Alexandre. Lui arriver malheur à lui, au fils du général, mais jamais, jamais, au grand jamais. Ma pauvre mère secoua la tête. J'allais me pendre à son cou. Ma petite mère, lui dis-je, je t'en prie. Mais tu lui chargeras son fusil, Moquet. Soyez donc tranquille. 60 grains de poudre, pas un de plus, pas un de moins, et une balle de 20 à la livre. Tu ne le quitteras pas. Pas plus que son ombre. Tu le placeras près de toi, entre mes jambes. Moquet, c'est à toi seul que je le confie. Et on vous le rendra intact. Allons, monsieur Alexandre, prenez vos clics et vos claques et partons. La générale le permet. Comment ? Tu l'emmènes ce soir, Moquet ? Bon, demain il serait trop tard pour le venir chercher. Le loup, c'est au point du jour que cela se chasse. Comment ? C'est pour chasser le loup que tu me le demandes ? N'avez-vous pas peur que le loup ne vous le mange ? Moquet, Moquet ! Eh, quand je vous dis que je réponds de tout ! Mais où couchera-t-il le malheureux enfant ? Chez le père Moquet, donc ! Il aura un bon matelas à terre, des draps blancs comme ceux que le bon Dieu a étendus sur la plaine, et deux bonnes couvertures chaudes. Il ne s'enrhumera pas, allez. Eh, non, mère, sois donc tranquille. Allons, Moquet, je suis prêt. Et tu ne m'embrasses seulement pas, malheureux enfant. Oh, si fait, petite mère, et plutôt deux fois qu'une. Et je me jetai au cou de ma mère, que j'étouffais à force de la serrer dans mes bras. Et quand te reverra-t-on ? Oh, ne soyez pas inquiète s'il ne revient que demain soir. Comment demain soir ? Et tu me disais au point du jour. Au point du jour pour le loup ? Mais si nous faisons buisson creux, il faudra bien lui faire tirer un ou deux canards sauvages dans les marais de Value à cet enfant. Bon, tu vas me le noyer. Crénom ! Dit Moquet. Si je n'avais pas l'honneur de parler à la femme de mon général, je vous dirais... Quoi, Moquet ? Que dirais-tu ? Que vous ne ferez qu'une poule mouillée de votre fils. Mais si la mère du général avait été derrière lui à le tirer par les basques de son habit, comme vous êtes derrière cet enfant-là, il n'aurait jamais tant seulement traversé la mer pour venir en France. Tu as raison, Moquet. Emmène-le, je suis folle. Et ma mère se retourna pour essuyer une larme. Larme de mère, diamant du cœur, plus précieux qu'une perle d'Ophir. Je la vis couler. J'allai à la pauvre femme. Je lui dis tout bas, « Si tu veux, mère, je resterai. »« Non, va, va, mon enfant, » dit-elle. « Moquet a raison, il faut qu'un jour tu sois un homme. » Je l'embrassai encore une dernière fois, puis j'allai rejoindre Moquet déjà en chemin. Au bout de 100 pas, je me retournai. Ma mère s'était avancée jusqu'au milieu de la rue pour me suivre plus longtemps des yeux. Ce fut mon tour d'essuyer une larme au bord de ma paupière. « Bon, me dit Moquet, voilà que vous pleurez, vous aussi, monsieur Alexandre. Allons donc, Moquet, c'est de froid. Vous qui m'aviez donné cette larme, mon Dieu, vous savez bien, n'est-ce pas, que ce n'était pas de froid que je pleurais. » Nous arrivâmes chez Moquet à la nuit noire. Nous soupâmes d'une omelette au lard et d'une gibelotte de lapin. Puis Moquet me fit mon lit. Il avait tenu parole à ma mère. J'avais un bon matelas, deux draps blancs et deux bonnes couvertures bien chaudes. « Allons, me dit Moquet, fourrez-vous là-dedans et dormez. Il est probable que demain, à 4 heures du matin, il faudra se mettre en campagne. À l'heure que tu voudras, Moquet. Oui, oui, vous êtes matinale le soir, et demain matin, il faudra vous jeter une potée d'eau fraîche dans votre lit pour vous faire lever. Je te le permets, Moquet, si tu es obligé de m'appeler deux fois. Allons, on verra cela. Mais tu es donc bien pressé de dormir, Moquet? Eh, que voulez-vous donc que je fasse à cette heure? Il me semble, Moquet, que tu pourrais bien me raconter une de ces histoires qui m'amusaient tant quand j'étais petit. Et qu'est-ce qui se lèvera pour moi à 2 heures du matin si je vous conte des histoires jusqu'à minuit, monsieur le curé? Tu as raison, Moquet, c'est bien heureux. Je me déshabillais et je me couchais. Moquet se jeta tout habillé sur son lit. Au bout de 5 minutes, Moquet ronflait comme une basse. Je fus plus de 2 heures à me tourner et à me retourner dans mon lit sans pouvoir venir à bout de m'endormir. Que de nuits blanches j'ai passées la veille des ouvertures de chasse. Enfin, vers minuit, la fatigue l'emporta. À 4 heures du matin, une sensation de froid me réveilla en sursaut. J'ouvris les yeux. Moquet avait rejeté la couverture sur le pied de mon lit et se tenait debout auprès, les deux mains appuyées sur son fusil et le brûle-gueule à la bouche. Sa figure rayonnait à la lueur de sa pipe qui, à chaque aspiration de son souffle, éclairait son visage. « Eh bien, Moquet, lui dis-je. Eh bien, il est détourné. Le loup? Et qu'est-ce qu'il a détourné? Ce pauvre Moquet. Ah, bravo! Seulement... « Devinez où il est allé se loger? En voilà un loup qui est bon enfant. »« Où est-il allé se loger, Moquet? »« Oh, je vous le donne en sang, dans la remise des 3 chênes. »« Eh bien, mais il est pincé, alors, pardieu !» La remise des 3 chênes est un bouquet d'arbres et de fourrés d'environ 2 arpents situé au milieu de la plaine de Largny, à 500 pas à peu près de la forêt. « Et les gardes ? » continuai-je. « Prévenus, » répondit Moquet. « Ils sont à la lisière de la forêt, les fins tireurs. Moina, Mildet, Vatrin, Lafeuille, ce qu'il y a de mieux, enfin. De notre côté, nous cernons la remise avec Monsieur Charpentier, Devalu, Monsieur Hochedez, de Largny, Monsieur Détournelle, des Fossés, vous et moi. On lâchera les chiens, le garde champêtre les appuiera et enlever ses pesées. Moquet, tu me mettras au bon endroit. Puisque je vous dis que vous serez près de moi, seulement il faudrait vous lever. Tu as raison, Moquet. Bro. Allons, on va avoir pitié de votre jeunesse et vous mettre un fagot dans la cheminée. Moquet, je n'osais pas te le demander, mais si tu faisais cela, parole d'honneur, tu serais bien gentil. Moquet alla prendre dans le chantier une brassée de bois qu'il jeta dans la cheminée en la tassant du pied, puis il introduisit au milieu des sarments une allumette enflammée. À l'instant même, le feu pétilla et monta joyeux éclair dans la cheminée. J'allai m'asseoir sur l'escabeau du foyer et je m'habillai. Ce fut une toilette vivement faite, je vous en réponds. Moquet lui-même en fut tout ébahi. « Allons, dit-il, une goutte de parfait amour et en route. » Et Moquet remplit 2 petits verres d'une liqueur jaunâtre que je n'eus pas même besoin de goûter pour la reconnaître. « Tu sais que je ne bois jamais d'eau-de-vie, Moquet. » « Ah, vous êtes bien le fils de votre père, vous. Eh bien, mais qu'allez-vous donc prendre, alors ?»« Rien, Moquet, rien. » « Vous connaissez le proverbe, maison vide, le diable y entre. Mettez-vous quelque chose sur l'estomac, croyez-moi, tandis que je vais charger votre fusil, car il faut bien lui tenir parole à cette pauvre mère. » « Eh bien, Moquet, une croûte de pain et 1 verre de pignolet. » Le pignolet est un petit vin qui se récolte dans les pays non vignobles. On dit proverbialement qu'il faut être 3 hommes pour le boire, l'homme qui le boit et les 2 hommes qui le tiennent. J'étais assez habitué au pignolet et je le buvais à moi seul. J'avalais donc mon verre de pignolet tandis que Moquet chargeait mon fusil. « Que fais-tu donc, Moquet ? » lui demandai-je. « Une croix à votre balle, » répondit-il. « Comme vous serez près de moi, nous pouvons tirer ensemble, et pas pour la prime. Je sais bien que vous me l'abandonnerez, mais pour la gloriole. Si le loup tombe, il sera bon de voir qui l'aura tué. Ainsi, visez juste. Je ferai de mon mieux, Moquet. Voilà votre fusil chargé aux oiseaux. En route alors, et le canon en l'air. Je suivis la prudente recommandation du vieux garde et nous partîmes. Le rendez-vous était à la route de Chavigny. Nous trouvâmes là nos gardes et une partie de nos chasseurs. Au bout de 10 minutes, ceux qui manquaient encore nous avaient rejoints. À 5 heures moins quelques minutes, on se trouva au complet. On tint conseil. Il fut convenu que l'on envelopperait la remise des 3 chaînes à grande distance et que l'on se rapprocherait peu à peu de manière à la cerner. Le mouvement devait se faire le plus silencieusement possible, l'habitude bien connue de messieurs les loups étant de décamper au moindre bruit. Chacun devait étudier avec soin le chemin qu'il parcourait afin de s'assurer si le loup était toujours dans la remise. Le garde champêtre tenait les chiens de Moquet couplés. Chacun prit sa place à l'endroit de la remise où sa marche le conduisit. Le hasard fit que, Moquet et moi, nous nous trouvâmes placés sur la face nord de la garenne, c'est-à-dire sur celle qui était parallèle à la forêt. Comme l'avait dit Moquet, nous étions à la meilleure place. Il était probable que le loup chercherait à gagner la forêt et par conséquent déboucherait de notre côté. Nous nous adossâmes chacun contre un chêne à 50 pas de distance l'un de l'autre. Puis, sans bouger, retenant notre souffle, nous attendîmes. Les chiens furent découplés sur la face opposée à celle que nous gardions. Ils donnèrent 2 coups de gueule et se turent. Le garde champêtre entra derrière eux dans la remise, frappant les arbres avec son bâton et criant « Taillot !» Mais les chiens, l'œil hors de la tête, les babines relevées, le poil hérissé, semblaient fichés en terre. Il n'y eut pas moyen de leur faire faire un pas de plus. « Hé, Moquet !» cria le garde champêtre. « Il paraît que c'est un crâne loup, car Rocador et Tombelle n'en veulent pas reprendre. » Moquet se garda bien de répondre. Le bruit de sa voix eût indiqué à l'animal la direction où il trouverait des ennemis. Le garde champêtre continua d'avancer en frappant contre les arbres. Les 2 chiens le suivaient, mais prudemment, par derrière, pas à pas, sans aboi et se contentant de gronder. « Tonnerre de Dieu !» cria tout à coup le garde champêtre. « J'ai manqué lui marcher sur la queue. Ô loup, ô loup, ô loup, à toi, Moquet, à toi !» Et en effet, quelque chose venait à nous comme une balle. L'animal s'élança hors de la remise, rapide comme un éclair, juste entre moi et Moquet. C'était un énorme loup, presque blanc de vieillesse. Moquet lui envoya ses 2 coups de fusil. Je vis ses 2 balles ricocher dans la neige. « Mais tirez donc » cria-t-il, « tirez donc !» Seulement alors j'épaulais. Je suivis un instant l'animal et fis feu. Le loup fit un mouvement comme pour mordre son épaule. « Il en tient, il en tient !» cria Moquet. « L'enfant a mis le bout au droit, aux innocents les mains pleines !» Cependant le loup continuait sa course et piquait droit sur Moina et Mildet, les 2 meilleurs tireurs de toute l'inspection. Tous les 2 firent feu de leur premier coup dans la plaine, de leur second coup sous bois. On vit les 2 premières balles se croiser et sillonner la neige en la faisant rejaillir. De ces 2 premières balles, le loup n'avait pas été touché, mais sans doute il était tombé sous les 2 autres. Il était inouï que les 2 gardes qui venaient de faire feu manquassent leur coup. J'avais vu tuer à Moina 17 bécassines de suite. J'avais vu Mildet couper en 2 un écureuil qui sautait d'un arbre à l'autre. Les gardes avaient suivi le loup sous bois. Nous regardions haletant l'endroit où ils avaient disparu. Nous les vîmes reparaître, l'oreille basse et hochant la tête. « Eh bien, cria Mouquet, interrogeant les tireurs. « Bon, » fit Mildet avec un mouvement de bras, « il est à Taillefontaine maintenant. »« À Taillefontaine ?» fit Mouquet tout ébahi. « Ah, ça, mais ils l'ont donc manqué, les maladroits. Pourquoi pas ? Tu l'as bien manqué, toi. » Mouquet secoua la tête. « Allons, allons, il y a quelque diablerie là-dessous, » dit-il. « Que je l'ai manqué, c'est étonnant. Cependant, c'est encore possible. » Mais que moi n'allais manquer de ces deux coups, non, je dirais non. C'est pourtant comme cela, mon pauvre Mouquet. D'ailleurs, vous l'avez touché, vous, me dit-il. Moi, es-tu sûr? C'est honteux à dire pour nous autres, mais aussi vrai que je m'appelle Mouquet de mon nom de famille, vous l'avez touché, voyez-vous? Eh bien, mais si je l'ai touché, c'est bien facile à voir, Mouquet. Il fera sang. Courons, Mouquet, courons. Et je joignis l'exemple au précepte. Non, pardieu, ne courons pas, cria Mouquet en serrant les dents et en frappant du pied. Allons doucement, au contraire, que nous sachions à quoi nous en tenir. Allons doucement, mais allons. Et il se mit à suivre pas à pas la trace du loup. Ah, pardieu, lui dis-je, il n'y a pas de crainte de la perdre, sa passée, elle est visible. « Oui, mais ce n'est pas cela que je cherche. »« Que cherches-tu donc ? Vous le saurez tout à l'heure. » Les chasseurs qui enveloppaient avec nous la remise nous avaient rejoints et nous suivaient par derrière, le garde champêtre leur racontant ce qui venait de se passer. Mouquet et moi, nous suivions les pas du loup profondément empreints sur la neige. Arrivés à l'endroit où l'animal avait essuyé mon feu, « Eh bien, tu vois, Mouquet, lui dis-je, je l'ai manqué. »« Et pourquoi cela l'avez-vous manqué ?»« Dame, puisqu'il ne fait pas sang. » »« Alors cherchez la trace de votre balle sur la neige. » Je m'orientais et m'écartais dans la direction que ma balle avait dû suivre en supposant qu'elle n'eût pas touché le loup. Je fis un demi-kilomètre inutilement. Je pris le parti de rabattre sur Mouquet. Il faisait signe aux gardes de venir le rejoindre. « Eh bien, me dit-il, et la balle ? Je ne l'ai pas trouvée. Alors j'ai été plus heureux que vous. Je l'ai trouvée, moi. Comment, tu l'as trouvée ? Oh, faites le tour et venez derrière moi. » J'obéis à la manœuvre commandée. Les chasseurs de la remise s'étaient rapprochés. Mais Mouquet leur avait indiqué une ligne qu'ils ne devaient pas franchir. Les gardes de la forêt se rapprochaient à leur tour. « Eh bien ?» leur demanda Mouquet. « Manqué, » dirent ensemble Mildet et Moina. « J'ai bien vu que vous l'aviez manqué dans la plaine, mais sous bois, manqué aussi. Vous êtes sûr ? On a retrouvé les deux balles, chacune dans le tronc d'un arbre. « C'est à n'y pas croire, » dit Vatrin. « Non, c'est à n'y pas croire, » reprit Mouquet. « Et cependant, « je vais vous montrer quelque chose de plus incroyable encore. »« Montre. Regardez là, sur la neige. Que voyez-vous ?»« La passée d'un loup, pardieu. »« Et auprès de sa patte droite, là, qu'y a-t-il ? Un petit trou ? Eh bien, vous ne comprenez pas ?» Les gardes se regardèrent avec étonnement. « Comprenez-vous à cette heure ?» reprit Mouquet. « Impossible, » dirent les gardes. « C'est pourtant comme cela, et la preuve, je vais vous la donner. » Mouquet plongea sa main dans la neige, chercha un instant, et avec un cri de triomphe, tira de la neige une balle aplatie. « Tiens, dis-je, c'est ma balle. Vous la reconnaissez donc ? Je crois bien, tu l'avais marquée. Et quel signe lui avais-je fait ? Une croix ? Vous voyez, messieurs, dit Mouquet. Alors, explique-nous cela. » « Eh bien, il a écarté les balles ordinaires, mais il n'a pas eu de puissance sur la balle de l'enfant qui avait une croix. Il l'a reçue à l'épaule, je l'ai vu faire le mouvement de se mordre. »« Mais s'il a reçu la balle à l'épaule, demandai-je, étonné du silence et de l'ébahissement des gardes, comment ne l'a-t-elle pas tuée ?»« Parce qu'elle n'était ni d'or ni d'argent, mon mignon, et qu'il n'y a que les balles d'or ou d'argent » qui puissent entamer la peau du diable et tuer ceux qui ont fait un pacte avec lui. « Mais enfin, Mouquet, » dirent les gardes en frissonnant, Tu crois ? Oui, pardier, je jurerais que nous venons d'avoir affaire au loup de Thibault le sabotier. » Les gardes et les chasseurs se regardèrent. Deux ou trois firent le signe de la croix. Tous paraissaient partager l'opinion de Mocquet et savoir ce que c'était que le loup de Thibault le sabotier. Moi seul, je l'ignorais. « Mais enfin, insistai-je, qu'est-ce que c'est que le loup de Thibault le sabotier ?» Mocquet hésitait à me répondre. « Ah, par ma foi, s'écria-t-il enfin, le général m'a dit que je pourrais vous conter l'affaire quand vous auriez 15 ans. Vous les avez, n'est-ce pas ?»« J'en ai 16, répondis-je avec fierté. « Eh bien, le loup de Thibault le sabotier, mon cher monsieur Alexandre, c'est le diable. Vous m'avez demandé hier soir une histoire, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Revenez avec moi ce matin à la maison et je vous en raconterai une d'histoire et une belle. » Gardes et chasseurs se séparèrent en échangeant silencieusement une poignée de main. Chacun tira de son côté et nous rentrâmes chez Mocquet, qui me raconta l'histoire que vous allez lire. Peut-être me demanderez-vous pourquoi, depuis si longtemps que m'a été racontée la susdite histoire, je ne voulais pas raconter encore. Je vous répondrai qu'elle était serrée dans une case de ma mémoire qui est restée constamment close et qui ne s'est rouverte qu'il y a 3 jours. Je vous dirai bien à quelle occasion, mais probablement ce récit, qui empêcherait notre entrée en matière, serait pour vous d'un médiocre intérêt. J'aime donc mieux commencer mon récit à l'instant même. Je dis mon récit, quand je devrais peut-être dire le récit de Mocquet. Mais, par ma foi, quand on a couvé un œuf 38 ans, on peut bien finir par croire qu'on l'a pondu.